J'ai oublié de vous dire que l'histoire se passait en Amérique. Et vous êtes dans un état où il y a la peine de mort. Hé hé, vous serez pendu demain. Et comme de l'ironie du sort, ce sera au bout d'une corde fait en papier hygiénique. Yeehaw! Wouhou! Vous avez quand même droit à une dernière volonté. Ce sera une cigarette à la place 57. Vous appelez votre ex pour lui dire adieu. Vous vous rappelez de son numéro, c'est le 52. Yeehaw!